d'excentricité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rookie. David Ferron viendra épicer notre matin avec son segment Les Notes Salées. Et on apprendra des choses dans la chronique éducative, c'est un fait. Assemblage Rookie commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières en ce lundi 15 décembre 2014. Passe une belle fête de semaine, Steph? Ben ouais, pis toi? Ouais, pis toi, pis ouais. Ouais, c'était cool, relax. Question de, t'sais, de se remettre un petit peu en cette fin de session. Il nous reste une dernière semaine avant de se quitter pour un congé hivernal. Ben oui, elles m'ont dit déjà. Il est du temps. Je vais en profiter. En fin de semaine, j'en ai profité pour magasiner des DVD. OK. Tu sais, à 5$. Ouais, oui, ça existe encore. Ben oui. Puis, sans m'en rendre compte, j'ai acheté deux films du même acteur, mais des classiques, Capitaine Crochet et Jumanji. Donc, Robin Williams. Brian Adams. Brian Adams. Le fameux Brian Adams. Avec son crochet sur sa guitare, il pète tout le temps les cordes, puis il cale une autre. Et maudit que c'est pas facile. Voilà. Aujourd'hui, l'émission, Steph, on a David Ferron. Ben oui, c'est normal fun, ça. Oui, on a des chroniqueurs qui restent avec nous jusqu'à la toute fin. Merci. Merci à eux. Donc, David Ferron va être là à 8h30 pour sa chronique Les Notes Salées. Autour de ça, on va faire C'est un fait en début d'émission. Et le bloc pub en fin d'émission. Je pense qu'on va avoir le temps pour d'autres petites affaires aussi. Donc, une émission quand même correcte avec nous deux ainsi que David. Merci de préciser. Ouais. Donc, ça va être l'émission d'aujourd'hui, l'Assemblage Requis. Il nous reste, comme je disais, 4 émissions. On va à la fin. La fin! Des temps. Ouais. Tout le monde le sait que la fin des temps, c'est 2014. Les maillettes du dîner de con, je pense. C'est selon la philosophie du dîner de con. Mais on va débuter en musique avec The Seasons. Bonne idée. Vu qu'on termine la saison bientôt. Ah, c'est pas fou, ça. C'est The Way It Goes. Ça a l'air de rien. Des fois, brillant. Ah, ça marche là-dedans. Merci de faire... de m'encourager là-dedans. Let's give it half a try. It's just the way it goes. My mind is overrated. The Seasons is the Way It Goes à Assemblage Requis. Ça nous amène à parler de choses qui sont vraies. Ben, voici ben oui. Si c'est un fait. Ben oui. Tout le temps. Ben oui. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Hey, on se complétait aujourd'hui, ouf, hein, et ouf, et... Oh, hein. Donc, c'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, selon Internet, toutes les sources sur assemblagerequis.com. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu à une formule qu'on faisait dans le temps. On va y aller avec une genre de rafale de faits. Bref. Ouais, dans le temps, on faisait ça, c'était pas très très expliqué. Mais j'ai des nouvelles places où trouver des faits en ce moment, donc je m'essaye avec une grosse trollée de faits. On va voir ce que ça donne. Commençons par un soldat britannique, Hugh Trenchard, lors d'une guerre qu'on appelle la guerre de Boer, la Boer War, s'est fait tirer dans la poitrine, dans la colonne vertébrale. Il est devenu partiellement paralysé. Il a commencé à faire du bobsleigh comme hobby, et après un accident majeur, il a réussi à reprendre la fonctionnalité de ses jambes. Après avoir donc découvert l'utilisation de ses jambes, il a obtenu une licence de pilote à l'âge de 39 ans et a fini par être Chief of the Air Staff, donc le chef de tout le monde dans les airs. Il est devenu donc le père de la force de la Air Force Royale. Donc c'est monsieur Hugh Trenchard. Un accident. U-Transfer, c'est ça. Notre frère à U-Transfer. On envoie des fichiers grâce à lui. Mm. C'est le père de ça. Ensuite, c'est ça, là. Je disais que j'avais des nouvelles places de fait, ça veut pas dire que c'est dans l'ordre, mes affaires non plus quand même. Donc, le Soleil est à 149 millions de kilomètres de la Terre, mais 270 000 fois plus près que la prochaine étoile la plus proche, qui est à elle 4,3 années-lumière de distance. Ah, ok, ouais, ouais, c'est plus proche. Ben, c'est ça. Donc, le Soleil qui contient au-dessus de 99,8% du total de la masse matérielle de notre système solaire. Oh. Alors, ouais, c'est ça. Environ 1000 Terres pourraient fitter dans Jupiter. Et le Soleil pourrait contenir 1000 Jupiter. Donc, il y a 1000 Terres qui fitteraient dans Jupiter. Et dans le Soleil, on pourrait avoir 1000 Jupiter. Tu comprends? C'est comme... dans Jupiter, c'est un kilo Terre, genre, qui rentre. C'est ça, genre, si on veut. Mettons en vrac, là. D'accord. Le Soleil qui est 330 330 fois plus gros que la Terre. Ça fait combien en truite d'arc-en-ciel? En truite d'arc-en-ciel, je pourrais pas dire. J'ai pas le convertisseur. Ah, j'ai... dommage. T'as pas l'application sur ton téléphone? Ça? Pas pour les truites d'arc-en-ciel, non. Le Soleil... les crapets soleil, par exemple. Ah, ok. C'est ça, une chose à la fois. Mais oui, c'est ça. Tu commences à le découvrir, ton nouveau téléphone. Ben, c'est ça. Le Soleil qui voyage à une vitesse de 250 km par seconde, mais ça prend quand même 230 millions d'années pour qu'il complète une seule révolution autour de la galaxie. Mm. Mm. Mm. Une année cosmique, c'est le temps que ça prend pour le Soleil de tourner autour du centre de la Voie lactée, environ 230 millions d'années. C'est quoi une année cosmique? Une année cosmique. C'est long. C'est long, c'est long. C'est long, c'est long. Je pense que c'est assez pour le Soleil. Ensuite, savais-tu qu'Albert Einstein n'avait jamais appris à conduire? Non. Donc j'ai un point commun avec Albert Einstein. Là, ouais, mais j'imagine que c'était plus facile de se déplacer à l'époque sans voiture, ça devait être... Je pense qu'il vivait à Trois-Rivières. Je pense que le centre d'achat était proche pas mal. Ouais, c'est ça, il me semble que oui. Ouais. tu connais l'arbre de Noël à Rockefeller Center? Ben oui. Donc, le gros arbre de Noël de Rockefeller Center. C'est un gros arbre de Noël qui est placé à chaque année là-bas, donc à Manhattan, à New York. L'arbre est érigé à la mi-novembre et est allumé, donc éclairé à la fin du mois de novembre ou début du mois de décembre, dépend des années. Récemment, le fait d'allumer l'arbre est diffusé à la télé sur NBC. C'est Christmas oui. At Rockefeller Center, oui. Donc, c'est donc le mercredi après l'action de grâce. L'arbre fait entre 69 et 100 pieds de haut, donc entre 21 et 30 pieds, mètres, pardon. C'est un Norway Spruce, la sorte d'arbre qu'on peut habiter. Et on l'installe à chaque année depuis 1933. Oh, quand même! Mm. On le voit dans Maman, j'ai raté l'avion. Ah, c'est vrai? Le 2. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Quand il était à New York. Ah, ok. Ben, c'est logique, vu que c'était à New York. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'il y a des centaines de... Il y a des centaines de tunnels en dessous du sol qui datent d'il y a comme 1000 ans environ en Bavière. En Bavière, voilà. C'est pas un pays, c'est une région. Une région? Ça se peut? T'as peu. Officiellement, t'es appelé l'État libre de Bavière et c'est dans le sud-ouest, le sud-est de l'Allemagne. Oui, c'est une région, t'as bien raison. Donc, qu'est-ce que je disais? J'étais en train de dire qu'il y avait des centaines de tunnels qui datent d'il y a 1000 ans en Bavière. Personne ne sait qui les a construits ou pourquoi ils sont là. On peut voir des photos sur assemblagerequis.com, mais c'est des tunnels en dessous de la terre qui sont là pour une raison ou une autre. Y a-t-il des crocodiles là-dedans? Ah, je pense pas qu'il y a des crocodiles. Peut-être. Ensuite, on va y aller avec, avec ça ici. Loulou, kangourou. Qui a été Loulou sauvé. Le kangourou. Loulou le kangourou qui a été sauvé quand elle était jeune par un fermier et sa famille. Donc, une branche a frappé le fermier. Il est tombé sans connaissance. Loulou est resté avec lui. Il a fait beaucoup de bruit, comme un petit chien, jusqu'à ce que la famille de l'homme arrive, ce qui a probablement, dit-on, sauvé sa vie. Loulou le kangourou. Lorsqu'un participant quitte l'émission Hell's Kitchen, tu connais Hell's Kitchen? Bien sûr. Avec Gordon Ramsay. Hein? Ah, yes, I know. Et yes, please. Ils sont immédiatement amenés pour une évaluation psychiatrique. Hein? Et ensuite, à une maison ils vont, où on va prendre soin d'eux. Sérieusement? Ouais, ben c'est ce que la source nous dit. La source est sur assemblagerequis.com. C'est selon le New York Post. Ah, oh, comme ouais. Pas rien. Donc, on les amène voir un psychiatre. Voir si on a été trop endommagés psychologiquement. Mais je sais pas, là. C'est pas si, si grave que ça de se faire lancer du risotto dans la face. Il y a la mais bombe, mais j'imagine que ça doit être. Ça doit pas être le fait de se faire traiter de gros con, là, qui est terrible. Ça doit être plutôt peut-être pour l'orgueil de cuisinier. Ah, peut-être. Tu sais, de se faire dire par un. Le plus, probablement le plus grand chef de la planète actuellement, de se faire dire que t'es une grosse merde. J'imagine que c'est difficile sur l'aspect professionnel. L'orgueil et tout ça. Ouais, j'imagine. Si un chien guide juge qu'une commande n'est pas sécuritaire, il va refuser la commande, ce qu'on appelle de la désobéissance intelligente. Ah, ben c'est bien ça. Ben oui. Donc, tu peux pas demander à ton chien de te sacrer en bas d'un pont, par exemple. Non. Il peut t'amener au pont, après ça, tu fais ce que tu veux. Il pousse en bas. Lui, il va pas. C'est ça. Il est pas cave. C'est ça. On parlait tantôt de tunnels sous le sol, sous la terre. Il y a un rail de chemin de fer qui est situé en Ukraine, qui est couvert naturellement d'arbres verts. Et donc, ça fait un genre de tunnel autour du rail de chemin de fer. Oh. Ce tunnel à train qui a été nommé le tunnel de l'amour par les gens de la place. Ben oui, j'imagine, ça doit être beau, romantique et tout ça. Très beau. Il y a des photos sur assemblagerequis.com là aussi. Mais bon, évidemment, vu que j'ai mis comme 1000 faits un par-dessus l'autre, bonne chance pour le trouver. Ouais, c'est ça. Même moi, je sais pas où t'es rendu. Non, c'est ça. C'est pas grave, je t'écoute plus attentivement. Un jour, je vais remettre ça à jour. lorsque Bill Clinton a demandé à Hillary Clinton de le marier, hein? Il lui a acheté la maison qu'elle aimait en premier et ensuite a dit « Tu ferais mieux de me marier parce que je vivrai pas tout seul dans cette maison-là. » C'est cute. C'est pas fou. Pas fou ben, tu peux pas dire non à ça. Ben non. Il y a une pieuvre qui s'appelle la Mimic Octopus qui peut se changer en plus de 15 formes différentes, pardon, entre autres un serpent et donc pas que d'autres genres de poissons, en tout cas bestioles de la mer. Mm-hmm. Donc c'est une sorte de pieuvre qui peut se déguiser si on veut. On voit encore une fois la photo sur le site, mais j'avoue que si je savais pas que c'était le même animal, j'aurais jamais dit. Ah ouais, tant que ça. Tant que ça. Ensuite, le créateur de... la créatrice de My Little Pony, Friendship is Magic. Tu sais, l'émission des petites pouliches. La nouvelle version. Les petites pouliches. Avec une grande crinière. Bref, Lauren Faust est mariée au créateur des Powerpuff Girls, les Super Nanas, Craig McCracken. Ah! C'est très drôle. Ben, hein? Je me demande de quoi ça a l'air, la décoration chez eux. Un peu trop coloré à mon goût, je crois. Il y a une sorte de poisson qui s'appelle le parrotfish, donc j'imagine un poisson perroquet, qui peut se fabriquer un sleeping bag en mucus. Je suis à la fois surprise et dégoûtée. ça masque leurs odeurs des prédateurs et empêche les parasites de s'approcher d'eux. Mm. Walt Disney, qui jouait un patron undercover, incognito, il visitait souvent Disneyland. Sans dire que c'était lui, portant de vieux vêtements et un vieux chapeau de fermier en paille. Il participait dans les manèges et surveillait la durée que ça prenait pour s'assurer donc que les opérateurs ne dépêchaient pas les visiteurs de Disneyland pour qu'ils aillent plus vite. Oh. C'était un contrôle de la qualité par Walt Disney. Oh, c'est intéressant, mais c'est bien qu'il était sur le terrain. Ben voilà. Pour économiser un petit peu de temps aux gens qui construisaient la nouvelle bâtisse du World Trade Center, le World Trade Center Building, ils ont trouvé une très très bonne idée. Ils ont installé un restaurant Subway qui montait et descendait d'étage en étage alors qu'il finissait chaque étage pour pas avoir à descendre en bas. Ça, c'est quand même du temps, c'était c'est cool. C'est le fun, ça, à la hauteur que tu veux, t'as un sous-marin. Mais oui, puis d'habitude, c'est juste dans la mer. Dans la mer? Ah, les sous-marins. Les métros, en dessous. Ouais, t'as bien raison. L'acteur à l'intérieur de R2-D2 dans Star Wars, Kenny Baker. Ouais, bien sûr, ouais, oui. Ouais, ouais. Détestait le gars qui jouait C3PO. Anthony Daniels, disant que c'était l'homme le plus méchant qu'il avait jamais rencontré lors d'une entrevue. Bon, je savais que c'était 3PO, fallait pas y faire confiance. Toi, t'es une fan d'R2-D2. Ben, tu sais. Ouais, ouais. Un prisonnier de guerre torturé par les Japonais a rencontré la personne qu'il avait torturé 50 ans avant, donc il l'a rencontré 50 ans plus tard, quand il est sorti de peu importe où il était, et ils sont devenus très bons amis. Ah, ouais. Ouais. Eric Lomax et Nagi Takashi. Étonnant. Faut pas être rancunier quand même. Ben voyons donc. Voyons donc. C'est comme un pâté chinois qui serait rancunier contre son steak haché. Steak haché. T'es. Je sais pas. J'ai jamais vu un steak haché maltraiter un pâté chinois. Je suis désolé. Ah, t'as peut-être raison. Le groupe de musique Green Day. Oui. Hein? Qui a payé. Qui a payé pour faire un bal de finissant à une place différente. D'où elle était supposée se passer, lorsque le conseil d'administration a annulé le bal parce qu'il ne voulait pas que des couples de même sexe se présentent à ce bal-là. Donc, eux, ils ont fait un autre bal ailleurs pour avoir tout le monde. Bravo! Green Day, félicitations. Cool! Ouais. Est-ce que tu connais Ramon Artagavetia? Non. Sûrement pas, non. Il doit être mexicain. Je sais pas, ça le précise pas. Ah, ben là. Ouais. Ben bref, c'est un homme que. Hein? Je pensais que c'était un quiz. Ah, non. Pas de réponse. Sur son origine. C'est ça. Je veux dire, un paquet de noms, tu me dis d'où ils viennent. Ça va être fantastique. On n'a jamais la réponse. Donc, un homme qui a survécu et qui a écrit au sujet d'un feu et du fait qu'un bateau sur lequel il était avait coulé. Donc, quand il était sur ce bateau-là en 1871, ça lui a laissé des traces là, émotionnelles, disons. D'un choc post-traumatique. Plus que s'il était sorti de Hell's Kitchen? Ah, ça? Bonne question. Uh-huh. Bonne question. Donc, ça, c'est en 1871. 41 ans plus tard, il a enfin pu passer par-dessus ses peurs et ses cauchemars, décidant de retourner sur la mer, sur un bateau. Par contre, il était sur le Titanic. Et il est mort lorsque le bateau a coulé. Oh! Donc, pauvre Ramon. Mon Dieu, c'est quoi les chances? C'est quoi les chances? Valentine Taplet, c'est un homme. Valentine Taplet, encore une fois, d'où est-ce qu'il vient? Il vient de Taplet. Il vient de Taplet, voilà. Donc, il a promis de jamais se raser si Abraham Lincoln était élu président. Il est mort en 1910 avec une barbe de 12 pieds de long. Wow! Ça s'appelle tenir sa promesse, ça. C'était pas nécessaire. Pas vraiment, non. Les derniers mots d'un prisonnier qui allait être exécuté, là, ça nous dit pas le nom de ce prisonnier-là, mais quand même, sa citation était « Je n'ai pas reçu mes spaghettios, tout ce que j'ai reçu, c'est des spaghettis. Je veux que la presse le sache. » Tu sais, les spaghettios, c'est les nouilles en canne. Oh, oh, spaghettios. Ouais, c'est Campbell's qui fabrique ça? Je sais pas. Spaghettios, ça ressemble un petit peu à des Chef Boyardee ou autre truc trop tomateux salé, comme ça. Et on va terminer ce premier bloc avec l'organisme One Million Moms. C'est un groupe qui s'oppose au mariage de même sexe, qui a menacé de boycotter JCPenney après une publicité de la fête des mères qui mettait en vedette deux mères. Ils ont aussi lancé une campagne pour enlever Ellen DeGeneres comme porte-parole de JCPenney à cause de son orientation sexuelle, bien sûr. JCPenney a répondu à ça en mettant en vedette deux pères pour la fête des pères. Merci. Bravo, JCPenney. C'est totalement génial. Ça, c'était encouragé, ça. Bravo. C'est vraiment cool. Un deuxième bloc de cet effet dans quelques instants, mais avant ça, on s'en va entendre Coco Méliès. Oh! Qui s'habille pour l'hiver avec Winter Gloves. Sur C'est fou. 89 FM. And you are gone. Coco Méliès et Winter Gloves à Assemblage requis. Au retour, plus de C'est un fait. Et après ça, David Ferron et sa chronique Les Notes Salées. Ça, c'est salé. Ça va aller. Oui, inquiète-toi pas. Même si David est là, ça va aller. Fou de merveilleux. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On se lève du matin 15 décembre. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ouais. Est-ce que t'as de facile accès à ta petite sonnerie de, pour que les gens... On va faire un quiz. On aime ça, les quiz, des fois. OK. OK, attention. Il faut que vous deviniez si c'est bien et doux, ça. Tu sais, come on. Soyez meilleurs que moi. Vous êtes certainement meilleurs que moi. Pour vrai, là, tu sais. Pour vrai, si vous l'avez pas, là. Ben, essaye, tu l'essayes pas, tu l'as pas eu. Non, je sais. C'est gênant. Oui, je sais. Voyons, tout le monde sait ça. Je sais. Ben oui, moi, j'ai deviné, OK, j'ai deviné des jeux d'arcade. Là, j'étais comme, est-ce que c'est, truc, comment t'appelles ça, Popeye? Est-ce que c'est Q-Bert? Est-ce que c'est dans Pac-Man? Est-ce que c'est... Mais non! Non, mais c'est, non, c'est au NES, c'est même pas aux arcades. Ben non, c'est Duck Hunt. Ben oui, Duck Hunt. Le meilleur classique ever. Duck Hunt, est-ce que t'as j'ai vu que... J'ai capote là-dessus. Duck Hunt, le chien de Duck Hunt est dans le nouveau Super Smash Bros. C'est cool. Ils sont tous dans le nouveau Super Smash Bros. En fait, je pense qu'ils ont comme 75 000 personnages là-dedans. Caractère. Caractère, c'est ça, Gera et Italique. Ils sont tous là. Comic Sans, fait comme salut. Ça. Donc, dans quelques instants, on va commencer. On va continuer, en fait, avec une deuxième partie de C'est un fait. Mais avant ça, en musique... Mm-hmm. Un petit peu Dolly Laroche. Ouais. Une autre façon de tirer des petits oiseaux, j'imagine, ce serait de leur lancer des roches. Envelopper ensemble. Ah ouais, qui se parlait de Dolly, je te trouvais violent. C'est un peu moins efficace. Yeah. C'était Oli Laroche et Enveloppé Ensemble sur l'album Poplouche. Assemblage requis. Poplouche. Poplouche. On était en plein milieu de C'est un fait tantôt. Mm-hmm. Est-ce qu'on y retourne un peu? Why un not? Un petit road trip jusqu'à C'est un fait. La chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. On parle de barbe maintenant. OK. Un petit peu de barbe, parce que les barbes ont des avantages, des bénéfices. Des avantages bénéfiques, des trucs bénéfiques par rapport à la santé. Ça peut aider entre autres ceux qui font de l'asthme, parce que les follicules de la barbe vont emprisonner les allergènes. C'est vrai. Ça peut aussi protéger la peau des rayons du soleil. Donc vous allez avoir l'air plus jeune sur votre belle barbe. Mm-hmm. Ben ouais, mais pensé. Tu vois pas. Non, mais une fois que tu vas te raser, tu sais. C'est comme, tu sais, c'est con, mais tu sais, juste avoir un petit duvet comme moi, je me rase à, tu sais, peut-être l'équivalent d'une journée de barbe, mettons, quand je me rase, tu sais, je me rase jamais sa peau. T'sais. Ben non, ben non. Ça a vraiment beaucoup aidé ma peau. Vraiment. Ben j'imagine, ça vraiment. Doit irriter la face. Ah, j'ai ça. Quand je me rasais, j'avais tout le temps plein d'irritation. Non, c'est fini pour moi, ça. C'est fini, ça. Mais bon, maintenant, je suis dans les gens à la mode qui portent un peu la barbe. C'est ben la seule affaire que je suis à mode. Le premier article déjà vendu sur eBay de tous les temps. Était un pointeur laser brisé. On a déjà parlé de ça dans cet effet. Brisé. Brisé, qui fonctionnait pas. Oh. Et lorsqu'on lui a demandé par courriel au fondateur de eBay, Pierre Omidyar, s'il était au courant que le pointeur laser était brisé. Ça, c'est le fondateur de eBay a envoyé un courriel à la personne qui avait acheté l'article. D'accord. Donc, l'acheteur a dit qu'il était un collectionneur de pointeurs laser brisés. C'est pour ça qu'il l'a acheté. Eh hey boy. C'est quand c'est le fondateur d'eBay qui te le demande, tu lui réponds la vérité. Donc vraiment, il y avait une collection de pointeurs laser brisés. Il y a une étudiante qu'on surnomme celle qui chuchote à l'oreille des écureuils. C'est un peu comme l'homme qui chuchotait à l'oreille des chevaux. j'avais fait le parallèle. J'imagine. Elle étudiait, j'imagine, à ce moment-là, à l'université Penn State. Elle est capable d'attirer les écureuils et leur donner des petits chapeaux et des petites mitaines à porter. Pas des mitaines, des trucs pour se cacher les oreilles, des cache-oreilles. On voit les photos sur assemblagejockey.com d'elle en train de mettre un petit chapeau de Noël à son écureuil, puis un petit cache-oreille. Ah, ben voyons donc. Hey, il y en a un, il est déguisé, je m'excuse, là, mais il y a même une espèce de petite armure, une épée. Un pis... chevalier. Ah oui, je sais. Genre, ouais. Ouais, ouais. Si vous allez sur assemblagejockey.com dans les notes de l'émission d'aujourd'hui, du lundi 15 décembre, dans le deuxième petit bloc de cet effet, là, vous allez pouvoir suivre avec nous les photos. Des fois, c'est un peu confus. Elle est allée à l'encontre de la tradition royale, la reine. La reine qui a demandé à ce que l'on joue l'hymne national américain à la place Donc, à la place de jouer une chanson britannique. Donc, c'était le jour après le 11 septembre pour rendre hommage aux Américains en Angleterre qui ne pouvaient pas encore retourner à la maison. Et allé à l'encontre des règlements. Fait jouer l'hymne national. Ah, c'est fin pareil. C'est pas grave. Hein? Il me semble que c'est pas grave. C'est pas un règlement qui sert à rien. Le règlement de ne jouer. Ouais. Donc, une femme suédoise qui a perdu sa bague dans son jardin, elle l'a trouvée 16 ans plus tard, alors que cette bague même poussait sur une carotte. Ça a pris 16 ans? 16 ans à ce qu'elle découvre ça sur cette carotte-là, oui. J'imagine que c'était vraiment profond dans la terre, puis les carottes ont fini par amener ça avec le temps. J'imagine. Bizarre. comment est-ce qu'on a... C'est les trucs qu'il y a sur l'eau, là, qui sont genre... qui flottent sur l'eau. Des nénuphars, voilà. Donc, il y a de gros nénuphars dans une rivière en Amazonie. Ces nénuphars-là peuvent pousser et avoir jusqu'à 6 pieds de diamètre et peuvent supporter 100 livres sans briser du tout. Wow! On voit les photos d'une jeune fille sur ce nénuphar. C'est-tu pas joli, ça? Il doit peser 50 livres maximum. À peu près, tu pourras en mettre deux. Oh! Shakespeare, tu connais l'auteur? Oui. C'est le frère de Shake and Bake. Donc Shakespeare qui a envoyé, qui a envoyé un sort à ceux qui allaient oser tasser son corps de l'endroit où il a été entreposé. Donc on dit que j'étais un sort. Alors même aujourd'hui, sa dépouille, hein, n'a pas encore été tassée, n'a pas été dérangée du tout. En fait, c'est pris tellement au sérieux ce présumé sort-là que non seulement est-ce que sa dépouille ou son corps décédé n'a jamais été bougé ni par l'église ni par personne d'autre, mais les travailleurs ont vraiment fait attention de ne pas toucher à l'endroit où il est mort pendant la restauration de l'église. Je suis pas sûr que c'est l'endroit où il est mort. L'endroit où il a été déposé, son corps, c'est ça exactement. T'as raison, c'est ce que j'avais dit tantôt, puis là j'ai mal dit, mais bon. Lorsqu'ils ont fait la restauration de l'église en 2008, ils ont fait attention de ne pas tasser l'endroit où il a été enterré. Mais ça, c'est juste parce que c'est une célébrité. Là. Je veux dire, sinon, tu sais qu'il n'y a pas de sort. Hein. Exactement. Exactement. Il y a un événement de lapin. Donc, c'est un événement de saut de lapin, voilà, qui s'appelle Kanin Hopning, qui a débuté en Suède dans les années 70. Et les compétitions ont maintenant eu dans plusieurs pays à travers le monde. Et c'est des compétitions de saut de lapin. Donc, les lapins doivent passer à travers des obstacles. Il y a des petits gifs animés sur assemblagerequipe.com, mais je savais pas qu'il y avait des compétitions de saut de lapin, donc ça m'a... Il y a des compétitions de tout, c'est ridicule. N'importe quoi. Puis tu vois le lapin qui veut pas sauter, qui enlève le petit bout de clôture puis qui passe à travers. Ben c'est un lapin, ben l'autre fait ce qu'il veut, c'est un lapin. Un vétéran grec nommé Stamatis Moraitis, champignon. Stamatis Moraitis. Donc il a été diagnostiqué d'un cancer au milieu de sa soixantaine. Il s'est fait dire qu'il avait seulement 9 mois à vivre. Il est retourné voir les docteurs 25 ans plus tard pour leur dire « Hey, toujours en vie, moi, là? » Seulement pour apprendre que les docteurs qu'il avait diagnostiqués étaient tous morts. Il est mort à l'âge de 102 ans, monsieur. Wow! Monsieur Stamatis Moraitis. Fait, il a vécu à peu près 40 ans de plus, là. Environ. C'est fascinant. Mais c'est rien, ça. C'est rien, ça. Il y a une piscine à Mumbai qui ressemble à, disons, le paysage new-yorkais, tu sais, les bâtisses, les bâtiments, mm-hmm. le skyline qu'on appelle de New York. Donc, c'est fait pour encourager à ce qu'on pense au changement climatique. Donc, vraiment, dans la piscine, t'as au fond les bâtisses de New York qui ont été peintes. OK, comme si New York avait été ensevelie. C'est exact. Donc, on nage au-dessus de la ville de New York, mais c'est à Mumbai. Intéressant. En 2010, George Lucas a dit qu'il allait dédier, envoyer une majorité de sa richesse pour améliorer l'éducation. Il disait que c'était la clé de la survie de la race humaine. 2 ans plus tard, Lucas a vendu Lucasfilm Limited à Disney pour 4,05 milliards de dollars et il a donné l'argent à une œuvre de bienfaisance par rapport à l'éducation. Donc le gars remet son argent à l'éducation. Oui, c'est selon la source qui est dans ce cas-ci. Le Forbes.com, le magazine Forbes, le magazine financier. Très connu. Quand même! Ouais! Il doit être fucking riche pour faire ça. Fucking riche, George Lucas. Je voulais dire whooping riche. Et Colin. Roy Sullivan, est-ce que tu veux deviner d'où il vient? Roy Sullivan, non. Donc Roy Sullivan qui a le record pour avoir survécu le plus de fois à un coup d'éclair. Clouk. Il a été frappé par l'éclair dans une tour, dans son camion, dans sa cour chez lui, à sa station de ranger, c'était un ranger forestier, mm-hmm. comme dans dans Yogi Loup, seulement. deux fois en voiture en essayant de s'enfuir d'une tempête. Je pensais que tu pouvais pas te faire frapper par la foudre en voiture à cause du caoutchouc des pneus. Ça. Non, je pense que c'est ça, il me semble. Là, c'est pas, j'ai pas la source ici. Mais il me semble que c'est moins dangereux, mais que tu peux quand même. Imagine comment lui est chanceux, là. Ouais, hein? Lui, c'est la personne la plus chanceuse. Ouais. Deux fois. En pêchant dans une piscine d'eau douce. Ah ben, c'est un bassin d'eau douce. Immédiatement après la septième fois qu'il s'est fait frapper, il a combattu. Il s'est battu avec un ours, avec une branche d'arbre. Hey, mais après la septième fois qu'il s'est fait frapper par la Il est intense, ce gars-là. Puis là, il est-tu mort? Il doit être mort d'autre chose. Ouais. D'après moi, il est mort d'autre chose, ouais. Mais on le voit avec son petit chapeau de ranger. Wow. Sur assemblagerequis.com. J'essaie d'aller voir si notre ami est décédé. Attention. Un jour! Et sûrement, la photo est en noir et blanc, puis il est vieux, sa photo. Ben, c'est ça. donc, allez voir l'article du Washington Post pour en savoir un petit peu plus sur les façons qu'il a été frappé. Les tours de sol peuvent être utilisés pour nettoyer les déchets radioactifs, Steph. Ah ouais? Ils sont capables d'extraire les polluants, dont les contaminants radioactifs, via leurs racines. Ça fait que c'est le symbole international pour le désarmement nucléaire. Ah, c'est fun. Hey, combattre le nucléaire avec des fleurs, c'est tellement peace and love. C'est une belle fleur en plus. Ben oui, tellement. Pour le sol. Il y a un pingouin de compagnie, si on veut. Donc un pingouin pas de compagnie comme dans il appartient à une compagnie, mais comme un animal de compagnie. Un pet pingouin nommé Lala au Japon. Et à chaque jour, c'est un gars en passant Lala, même si son nom est très féminin. Donc à chaque jour, il lance... Comme le Teletubbies. Oui, je sais pas si c'est là qui s'appelle Po, genre son frère, c'est ça? Le pingouin ou le Teletubbies? Teletubbies. Oui. Je pense. Donc chaque jour, il arrive en ville tout seul avec son sac à dos et il ramasse les... pingouin! Ben en fait, oui, un sac à dos en forme de pingouin, tu viens de le dire. il ramasse les poissons à des marchés locaux, donc il y a des petits endroits où ils vendent des poissons. Donc c'est, j'imagine, l'idée, c'est que son propriétaire l'envoie avec son sac à dos ramasser du poisson. J'imagine que l'argent doit être dans le sac, quelque chose du genre. Hein, il fait pas juste voler des poissons, quand même. Ouais, mais les marchands doivent trouver tellement mignon, ils doivent lui donner du poisson. Ben, là. C'est un pingouin avec un sac à dos de pingouin. En plus, c'est un sac à dos de Pingu. Hein, c'est un personnage, je crois, de dessin animé. Donc, Lala qui a été ramené à la vie, enfin ramené en bonne santé par sa famille qui l'a adopté. Donc, quand il a été guéri, il refusait de partir, donc ils l'ont adopté. Il y a même sa petite place, je sais pas si c'est dans la maison où la famille habite, mais une petite place plus froide où il peut aller habiter. C'est comme un genre de réfrigérateur à pingouin. J'en veux un pingouin. J'en veux un aussi. Une compagnie de logiciels a enterré un prix de 1000$ dans ses Terms of Service. Tu sais, dans les trucs que tu scrolles puis tu lis pas puis tu fais next. Ouais, ouais. Quand t'essaies le logiciel. Donc, ils ont mis un prix de 1000$ pour voir si quelqu'un allait lire tout ça. Ça a pris 5 mois et plus de 3000 ventes de ce logiciel avant que quelqu'un pose une question sur le prix. Je vais même vous lire la portion du... c'était PC Pitstop Optimize, le nom du logiciel. C'est un paragraphe nommé Special Consideration. Donc, une considération spéciale qui pourrait inclure une compensation financière sera donnée à un nombre limité de personnes qui ont acheté ce logiciel et qui auront lu cette section de la licence et qui contacteront PC Pitstop à considération à pcpitstop.com. Cette offre peut être retirée n'importe quand. Ça disait pas que c'était 1000$, ça disait juste qu'il y avait une compensation financière. Je trouve ça génial. Hey, le gars devait capoter. Mais ça, 1000$, ça se prend bien. Un éléphant nommé Tara et un chien nommé Bella sont devenus en fait des amis inséparables dans un sanctuaire du Tennessee. Tara a même attendu à l'extérieur de la bâtisse pendant une semaine quand Bella se remettait d'une blessure. Oh. L'éléphant attendait, mais ça on le sait, on a déjà parlé d'éléphants dans cette chronique-là, qui sont vraiment quasiment comme des humains. Là. Ils sont super attentionnés puis. Ça super fait penser. Familier. Est-ce que tu as vu le film Hachi? Non. Avec Richard Gere. OK. Mais c'est un chien, mais là, je vais pas spoiler rien, ouais. Là. Mais tu sais, admettons, son maître revient pas, mais à tous les jours, tu sais, il allait l'attendre à la gare, puis, ben, il revient pas à un moment donné, mais à tous les jours, jusqu'à la mort du chien, il va l'attendre à la gare, puis là, c'est tellement... À la guerre. Là, c'est tellement triste, puis là, tu pleures. Richard Gere. À la guerre. Ouais, oh, non, ça a l'air d'un bon film. Plein. Comment t'appelles ça? Hachi? Oui. Pas Hachi, Scratchy. Là. Il y avait un chat, restons dans les animaux, un chat nommé Unsinkable Sam. Donc, Sam, l'impossible de la couler, si on veut. Comme le Titanic. Comme le Titanic. Ben, en fait, ça a rapport avec les bateaux, en fait. Donc, les Allemands l'appelaient Oscar. Il a servi dans l'armée sur 3 vaisseaux de guerre, des bateaux. Un allemand, 2 britanniques, et ils ont tous coulé, finalement. Mais le chat a survécu à chaque coulement. Naufrage, peut-être? Naufrage de bateau. Il flottait sur une planche de bois jusqu'à ce qu'il puisse être sauvé par quelqu'un. Mais c'est quand même un chat traître, non? De quitter comme ça et laisser les autres mourir. Non, mais il était avec les Allemands, puis après ça avec les Anglais. Oui, exactement, ça t'as raison, ça. Ça, c'est vrai. Mais c'est un chat, ça. Puis ça. Choisira pas son bord. Pas capable de faire ça. Il y a pas de... Les chats, ça traite pas politique ben. Non! J'entends dire, là, c'est... Okay. Ça en sac pas mal. Je m'entorche! Un peu comme moi. C'est ça. En plus, c'est un chat noir, hein. Puis toi, t'es habillé en noir, en ce moment. Fait que... Qui a un chat noir? Dans la photo. Ah, OK. Ben, la photo est en noir et blanc, mais il a l'air d'un chat noir. Ouais, ben c'est un. Non, ben c'est un ton de gris. Mettons que c'est un gris vraiment très, très foncé. C'est un 95 ou quelque chose comme ça. C'est ça. Mais il y a les pattes blanches. Deux. Deux pattes blanches sur 4, t'as raison. Uh-huh. 30 personnes ont été arrêtées à un spectacle d'Aerosmith en 1978 pour possession de drogue et pour avoir fumé de la drogue. Juste 30. 30 ils personnes. Ont manqué une coupe, certains. Je pense qu'ils ont tourné quoi un peu. Mais le band, le groupe, les a tous sortis de prison après le spectacle. Ah, oh, c'est cool. Ils ont payé leur caution. Ils sont gentils. Bien, bien. Et en 92, à la place de partir en grosse bataille légale, en gros truc dans les systèmes justiciers de la justice, donc à cause de l'utilisation d'un slogan, ça dit pas quel slogan, mais les Chief Executive Officers, les directeurs généraux, si on veut, de Southwest Airlines et de Stevens Aviation, ont simplement fait un concours de tir au poignet. Pour savoir quelle compagnie allait avoir le droit d'utiliser ce slogan. C'est n'importe quoi. Pas pire. Y a un parc en Arkansas, aux États-Unis, nommé Crater of Diamonds. Et on nous dit qu'il nous laisse garder n'importe quel diamant naturel qu'on trouve. Crater of Diamonds, il y a beaucoup de diamants là-bas. Et d'ailleurs, un garçon de 12 ans a trouvé un diamant Honey Brown de 5,16 carats à seulement 10 minutes du début de sa recherche dans le parc. Et on estime que son diamant vaut 10 000 $. Wow. Pas pire. J'aimerais ça y aller. Road trip! On y va à 9h30. C'est un petit peu loin l'Arkansas. Pas grave, on n'a rien mieux à faire. Donc, le Creator of Diamonds en Arkansas. Ensuite, pour la Saint-Valentin en 2014, j'adore celui-là. Un homme qu'on ne connaît pas son nom, donc c'est un homme anonyme, qui a saboté une diffusion spéciale du film Beijing Love Story. Dans un cinéma de Shanghai, il a booké chaque siège, mais aux deux sièges, ok? Ah! Ok? Donc, ça a empêché les couples de s'asseoir ensemble. Franchement! Booker un siège sur deux à une distance de un. Mais mon Dieu! Faut-tu avoir rien à faire? C'est drôle! Chaque siège, tu vois, c'est marqué réservé dessus, là. C'est drôle. Mais les cinémas acceptent ça, eux autres, de réserver des sièges comme ça? Apparemment, Shanghai! Il y a une bibliothèque qui a été construite sur la frontière entre les États-Unis et le Canada. Donc, sortir de la bibliothèque par l'entrée opposée, par laquelle t'es pas entré, sortir par l'autre bord. Ben oui. On se comprend tous. Demande donc à passer par les douanes du pays, juste après. Je peux comprendre. Ouais. À partir des années 60, l'American Heart Association conseillait au public de manger moins de gras saturés et de changer à de l'huile végétale pour avoir un cœur plus en santé. Mais saviez-vous que l'American Heart Association, dont on voit le logo sur bien des produits, a été fondée en partie par les fabricants de Crisco? C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, hein? Crisco, très bien. Encore une fois, la source sur assemblagerequis.com, c'est selon le Wall Street Journal. Ensuite, un bébé né d'une mère qui vient de l'Ouganda, hein? Pendant un vol d'avion entre Amsterdam jusqu'à Boston, le bébé est devenu canadien parce qu'il est né dans l'espace aérien au-dessus du Canada. Oh, c'est n'importe quoi, ça. Mais ça reste vrai. Ouais, mais c'est parce que ça devrait pas avoir rapport. Non, c'est ça, ça devrait pas avoir rapport. Mais l'espace aérien au-dessus du Canada est parti au Canada. Non, donc, au Canada. Ça n'a pas rapport. Et... Sérieusement, là, je veux dire... D'une mère de l'Ouganda dans un vol entre Amsterdam et Boston. Oh, mais ça n'a pas rapport à Amsterdam et Boston non plus. Non, absolument pas. Je veux dire, tu devrais juste avoir la nationalité... d'aider tes parents. Je veux dire, t'es en voyage, là. C'est ça. C'est pas comme s'il habitait au Canada, là. Un professeur d'art de l'université de Syracuse a créé un seul arbre qui est capable de faire pousser 40 types de fruits différents. Après avoir appris qu'un verger qui était rempli de fruits qui dataient de 150 ou 200 ans, pas les fruits en tant que tels, mais leurs racines, ouais, ouais. Donc allait être détruit. Donc il a créé un seul arbre. Il appelle ça le Tree of 40 Fruit. Vous pouvez aller voir treeoffortyfruit.com pour en savoir plus sur cet arbre-là. 40 en chiffres en passant. C'est un bel arbre. Il a l'air comme rose et mauve. Il y a tellement de sortes de fruits qui poussent dedans. C'est vraiment magnifique. Non, mais bizarre. Un peu. Je pensais pas que c'était possible. Un professeur en loi, Roger Fisher, qui a suggéré, là c'est juste une suggestion, ça n'a évidemment pas donné grand-chose à la fin, mais il a suggéré que les codes pour lancer une bombe ou un truc nucléaire, bref, pour détruire sûrement une population complète, pourraient être implantés dans le cœur d'un bénévole. Donc le président devrait personnellement enlever la vie d'une personne innocente avant de pouvoir enlever la vie à des millions de personnes. C'était une suggestion qu'il a fait. Quand même pas c'est une suggestion peut-être un petit peu bizarre, mais de mettre le code pour lancer une bombe nucléaire dans le cœur d'un bénévole. Et selon une légende en Islande, si tu ne procures pas de nouveaux vêtements avant Noël, tu vas te faire manger par un gros chat géant. C'est entre quelle date puis quelle date? Ben, c'est ça. Ça dit pas entre quelle date, mais c'est avant Noël. Et en fait, ça s'appelle... Ouais, mais c'est parce qu'en théorie, t'es toujours avant un Noël qui s'en vient. Donc, le 26 décembre, au Boxing Day, t'achètes des vêtements pour le prochain Noël. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est moins cher en plus. Ah ouais. Le chat, il est content. Mm-hmm. Donc, ça s'appelle le Yule Cat. C'est une légende qu'on raconte aux enfants dans les petits villages du nord de l'Europe. Pour qu'ils se tricotent eux-mêmes un nouveau chandail. C'est ça l'idée. Il faut qu'ils se tricotent eux-mêmes un nouveau chandail. Ok, faut pas que t'achètes de nouveaux vêtements. Ben, j'avais compris l'inverse. Ben c'est ça, c'était pas précisé dans le début de l'article, mais si tu vas plus bas. Donc, c'est la récompense, c'est qu'ils se font pas manger par le gros Yule Cat, qui ressemble un petit peu au Grumpy Cat qu'on connaît tous d'Internet en ce moment. Ah, en tout cas, c'est vrai. Selon le dessin, c'est vraiment Grumpy Cat. Donc, c'est ça, c'est une petite histoire pour que les enfants se mettent à travailler et se comportent correctement. Donc, ceux qui finissent tout leur travail à temps vont recevoir de nouveaux vêtements pour... Ah, c'est super, madame. Donc, dans le fond, c'est qu'ils vont travailler plus pour tricoter. Et quand ils finissent leur travail, ils vont recevoir de nouveaux vêtements pour Noël. Alors que ceux qui sont paresseux ne reçoivent pas de vêtements et se font manger par le Yule Cat. Ah, c'est bien bizarre. Ouais. Ils se font sacrifier, bref. Fait qu'ils tricotent quoi? Ben, c'est ça dit pas, mais... Fait qu'ils peuvent tricoter des nappes, là. C'est pas obligé d'être des vêtements. Ben, ça, au départ, dans l'article, ça dit qu'ils vont se tricoter un nouveau sweater. Un nouveau gros chandail. Ouais, un sweater de Noël. Ouais, genre des années 80, tout le monde portait ça dans le temps normal. Ça revient à mode. De nos jours, c'est oui, c'est ça, pour vrai. Ça va. Uh-huh. Donc, c'est ça, c'est un petit rappel, bref, pour que les enfants fassent leurs tâches ménagères et tout. Donc, bon, les détails sont compliqués, mais Yule Cat, Yule, C-A-T. Et c'est tout pour C'est un fait. Hey, hein? Ça finit sur une drôle d'histoire. Une histoire de chat qui mange des enfants, puis en plus, c'est Grumpy Cat. Fait que tout est là pour une histoire à succès. Au retour, ce sera David Ferron et sa chronique Les Notes Salées. Il va nous parler de, je crois, musique de Noël, à moins que je me trompe. Ah? De partout dans le monde. Je sais pas si je vois le punch. Donc, David Ferron, dans quelques instants. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 96.3. Fou de trouvailles. C'est fou, 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. On se lundi 15 décembre 2014 et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Dans quelques instants, c'est David Ferron qui s'en vient avec les notes salées. Mais avant ça, une petite chanson. Oh oui. De Lubic. Voici Laisse-toi aller, man. Ah, certain, man. Il n'y a pas man dans le titre, mais. Ah, ok. Ouais. Les mauvais garçons de Les Deux Luxes. Ah, son âge requis. Les Deux Luxes. Ouais, c'est ça. Donc, ça nous amène à faire une liste sur un sujet quelconque. Vraiment très quelconque, mais intéressant toujours. Voici son foutu palmarès. Sans foutu palmarès, la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. On commence aujourd'hui avec, en fait, on va faire aujourd'hui une liste de 6 musiciens célèbres qui ont écrit des jingles pour des publicités de télé. Intéressant. Vous pourriez être surpris, je vous dirais. Ah ouais? Commençons par Jack White, qui a écrit un jingle pour Coca-Cola. Ok. C'est tout à fait vrai. Donc, quand il était adolescent, Jack White était obsédé par Coca-Cola, tellement obsédé qu'il a écrit 100 chansons courtes au sujet de cette liqueur, cette boisson gazeuse-là. La compagnie lui a demandé d'écrire un jingle en 2005, et donc White, évidemment, a sauté sur l'occasion. What Goes Around Comes Around a été attaché à un court-métrage, une petite publicité du réalisateur Nagi Noda, nommé Love is the Truth. Ça dure environ 1 minute 45 et ça a été diffusé une seule fois sur la chaîne britannique Channel 4. Je cite, on m'a offert l'opportunité d'écrire une chanson d'une façon qui m'intéresse en tant qu'écrivain, auteur, compositeur, interprète. Donc, Jack White a dit ça à NME.com. Je continue la citation. Je ne voudrais pas qu'une de mes chansons soit utilisée, donc une chanson que j'ai déjà écrite soit utilisée dans une publicité. Ça aurait l'air, il me semble, étrange. Mais se faire demander d'écrire quelque chose particulièrement pour une chanson autour du sujet de l'amour d'une façon internationale est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Donc, on va entendre Jack White et What Goes Around Comes Around. Donc, dans le clip, on voit une jeune fille avec les cheveux rouges, habillée en rouge, dans une pièce avec une télé à l'arrière, et elle se met à se dédoubler avec une bouteille de coke dans la main, donc elle se dédouble, et il y a comme plusieurs exemplaires d'elle. On va sortir de la maison. You can say that love's not really there. And pretend that you don't really care, but you'll do better to live it. Elle rencontre un petit monsieur. It's the right thing to do. Et ils partagent un coke. Oh wow! Le monsieur rencontre un jeune enfant. Ils partagent un coke. Oh! Il partage une pomme aussi, pas. Ouais, une pomme. Le jeune garçon rencontre, je sais pas si c'est un vieux, on va dire un vieux monsieur malpropre. Ouais, c'est un mendiant, il y a un sac à poubelle là-même. C'est pas vrai. qui lui rencontre une dame dans un parc, partage son. En fait, la dame partage son parapluie avec le monsieur. Elle partage son. Je crois que c'est le monsieur qui a partagé le parapluie. La madame partage son pain avec un oiseau. Et l'oiseau revient sur l'épaule de la jeune femme. Love is the truth. Et tout le monde reprend vie. Là, chacun des exemplaires de chaque personne, parce que tout le monde se dédoublait, finit par s'en aller. C'est super bon, hein? C'est une belle histoire de partage. C'est joli. Et c'était Jack White pour Coca-Cola. Barry Manilow a écrit une chanson, lui, pour la compagnie d'assurance State Farm. Barry qui a écrit plusieurs jingles pour plusieurs compagnies dans les années 60 et 70, dont des chansons pour McDonald's, Stridex, Dodge et Band-Aid. C'est lui qui a écrit la célèbre chanson, pour ceux qui connaissent. C'est célèbre quand t'en connais. I'm stuck on Band-Aid brand, cause Band-Aid stuck on me. Comme un slogan pour aller les pansements. Je connais la version traduite. C'est quoi? C'est quoi? Rapide de même, non? Mais je m'en souviens pas vite de même, là. Je m'attache à la marque Band-Aid parce que la marque Band-Aid parce colle à moi. Parce que Band-Aid m'aide à guérir. On va faire de même. Ah, d'accord. Il est aussi responsable, Barry Manilow, pour plusieurs jingles très, très connus, dont State Farm et leur Like a Good Neighbor, State Farm is There, qu'il a écrit dans les années 70. La compagnie d'assurance utilise toujours le jingle dans leur publicité aujourd'hui. Mais Manilow ne reçoit plus de royalties pour ça, parce qu'il a vendu les droits en tant qu'auteur à State Farm, qui l'a payé seulement $500 pour le jingle. Il se fait avoir. Tellement. T'sais, il leur a vendu le droit de ses paroles, finalement. Donc, on va écouter Barry Manilow pour State Farm Insurance. Une très belle publicité ici, là. I've been with State Farm here in Sioux City for about 18 years. Je suis avec State Farm now, depuis 18 ans environ. And I think I know what people expect of a life Et insurance. Je crois savoir à quoi les gens s'attendent de vendre l'assurance. You know, shopping for life insurance for myself. Si je magasinais pour les assurances pour moi-même, il y aurait plusieurs facteurs importants pour moi. Je veux savoir que je peux me fier là-dessus, qu'elle va être là pour moi. La compagnie est-elle bien connue? Si je déménage dans une autre région, est-ce qu'ils vont toujours être là? Je vais pouvoir trouver un représentant de cette compagnie. Ce sont des choses importantes que j'aimerais savoir. Get to the point. Jim Golden est un des nombreux représentants de State Farm. Je veux rien entendre ça. 1000 State Farm agents trained to serve your life insurance needs. Je pensais que j'avais manqué le début, mais il n'y a pas le « Like a good neighbor, State Farm is... » Il n'y a pas la chanson complète. C'est un peu déprimant, ça. Non, c'était Barry Manilow, mais évidemment, c'est pas lui qui chante. Non! « Like a good neighbor, State Farm! Okay. » Les Flaming Lips, maintenant, pour Hyundai. Oui, Hyundai, les Flaming Lips qui ont écrit... Je sais même pas c'est qui, les Flaming Lips. Les Flaming Lips, bye bye. Donc, ils ont écrit et chanté « Sun Blows Up Today » pour une publicité de 60 secondes de Hyundai qui a été diffusée par le Super Bowl XLVII, hein, évidemment. Est-ce que tu veux faire une face de « Cherche mon siècle » comme dans sa expression? Attends un peu. Elle, c'est 50. Ouais. Donc, ça serait 37. 37, pour le Super Bowl 37. Donc, ça? Ben, ça se peut, mais elle, ça veut dire moins que... C'est plus une dizaine de plus, je sais plus. Quoi? Je sais plus. Le L, je me rappelle plus ce que le L veut dire. Donc, Hyundai a offert 100 000 téléchargements. Mais le L, c'est 50. Le L, c'est 50. Le X, c'est 10. Donc, 10 moins... 10 en bas de 50, c'est 40, c'est ça. J'ai enlevé 20, je sais pas pourquoi. C'est 10 en bas de 50. Donc, Hyundai a offert 100 000 téléchargements de la chanson Sun Blows Up Today avant et après la grande partie en 2013. La pièce qui a été aussi une pièce bonus sur iTunes sur l'album du groupe qui s'appelle Terror. Donc, le vice-président du marketing chez Hyundai, Steve Shannon, a dit à Billboard, et je cite, « Les Flaming Lips sont vraiment pareils comme Hyundai. Ils sont un petit peu différents des autres. Ils existent depuis longtemps et ils continuent de se réinventer. » Moi, c'est-tu beau, hein? On écoute cette chanson, un extrait, en tout cas, de la publicité. Donc, un père arrive avec une grande, grande pile de crêpes devant sa famille. Ben, le père, en tout cas. Représentant paternel. Le groupe est dans la cuisine, donc les Flaming Lips se mettent à jouer de la musique. Les enfants sortent dehors avec leur ski. Le groupe est dorénavant sur le toit de la maison. Leur véhicule arrive au parc. Les enfants sont tous en train de faire du skateboard. Le véhicule passe dans de la boîte. Les enfants crient dans le char. Ils passent devant des moteurs. Les moteurs leur courent après avec leur moto. Les enfants ont peur. Puis on va au musée où il y a des zones des cavernes autour de la famille. Le gardien de sécurité se met à leur courir après. Ben c'est sûr, il était de l'autre bord du décor. Ben c'est ça. Ils sont au zoo maintenant, l'autruche leur court après. Une femme fait du yoga dans le parc avec son enfant sur une main, des robots tirent après des affaires dans le ciel qui n'ont pas vraiment rapport. Le groupe est rendu sur un bateau sur l'eau. Maintenant, on est dans des bulles, tu sais, des grandes bulles dans lesquelles tu peux te promener puis rouler, comme un genre de bulle. Bref. Et là, on est dorénavant dans un autobus, des Flaming Lips, des enfants sur le côté, on leur demande de faire un klaxon. Le camion fait un klaxon. Il y a des sprinkles des partout, confettis. Et des confettis qui sortent. Et on revient à la maison. C'était soufflant, cette publicité-là. C'était soufflant, maison. Ah, et là, l'animal du zoo est dans la maison. Il est empaillé, mais il cligne des yeux. C'est bon. Et l'enfant demande qu'est-ce qu'on va faire demain. Et là, ça dit Hyundai, de nouvelles possibilités. Ouais, c'est beaucoup de choses en même temps, ça, hein? Ben, tout est bon. Ouais. Un peu ordinaire. Un petit peu ordinaire. Mais ils ont voulu tout mettre dedans, je pense. Mais la toune est bonne. Super bonne. Flaming Lips, pour vrai, c'est à noter. La chanson s'appelle Sun Blows Up Today. Randy Newman pour Dr. Pepper. Avant de gagner plusieurs Emmy, plusieurs Grammys, plusieurs Oscars, même Randy Newman a écrit une publicité, en fait des jingles, plusieurs jingles pour les publicités. Il a co-écrit The Most Original Soft Drink Ever et Be a Pepper avec Barry Manilow et Jake Holmes. Donc ça, lui, c'est un compositeur de publicité qui a écrit Be All That You Can Be pour l'armée américaine, leur slogan fameux. C'est ça. On travaillait ensemble sur des publicités de Dr. Pepper. Donc, on va entendre une publicité tirée de 1976 pour Dr. Pepper par Randy Newman. What a girl. She changed my life. Donc là, on est dans une genre de comédie musicale où le gars chante dans la rue, un peu comme dans Singing in the Rain. Dr. Pepper. All that noise about a cola. It's not a cola. It's not a root beer. Donc, on se met à splasher dans l'eau, pareil comme... Il se passe absolument rien d'autre que des gens qui se plachent, c'est pour ça que je décris rien. Mais la liqueur la plus originale au monde, Dr. Pepper, pas sûr. Ça. Pas sûr que c'est la plus originale. C'est la meilleure. Oui, ça, c'est la meilleure, mais c'est pas très, très original. C'est pas mal juste de la liqueur brune qui goûte un petit peu plus le sucré. Mais non! Tu trouves pas? Ben, ça goûte la cerise. Ça goûte la cerise. Ça, c'est vrai, ça. C'est vrai, c'est meilleur que du coke cerise, je pense. Encore une coche. Mais là, ça n'a rien à voir. Voyons donc. Voyons donc, toi. Hey! Tu connais Foster the People? Oui! Mark Foster de Foster the People a écrit une publicité pour Muscle Milk. On va l'écouter avant de lire un petit peu. Étant donné que ça m'a donné comme ça. Ah, j'ai déjà ça vraiment fort. Il y a un paquet de filles qui dansent en maillot de bain, en petite short courte. Les 12 bagues sortent d'un trailer. Une roulotte. Il enlève ses lunettes de soleil comme un douchebag. Là, on porte une casquette de douchebag. Donc là, il pointe ses muscles. Il dit que tout est ridicule. Et est vraiment épais et tight. Ses abdos. Donc il s'embrasse lui-même dans le miroir. Je pense que c'est une parodie des douchebags. On s'entend là-dessus. Et là, on est sur la plage. Et tout le monde fait des moves de douchebag. De douchebag. Tout le monde s'embrasse. Tout le monde... ou ça, en tout cas, essaye. Les filles se brassent derrière à la twerking. Ça va, c'est une parodie, je suis déjà tanné. Ouais, non. On va en parler pendant ce temps-là, OK? Pendant que ça continue. S'il y a de quoi de marquant, on vous le dira. Bonne idée. Donc, avant de fonder le groupe Indie Pop Foster the People, Mark Foster écrivait des jingles accrocheurs pour Cadillac, Bing, le système de recherche de Microsoft. On tombe par erreur dessus. C'est ça. Quand on se trompe, c'est Bing, souvent. Bank of America, Tourisme Californie et surtout Muscle Milk. Donc, Spring Break It Down était une parodie de Jersey Shore qui faisait la promotion d'une boisson protéinée. C'est devenu un succès viral dont j'ai pas entendu parler en 2010. Donc, il dit que les mélodies sont sa vraie force, Monsieur Foster. Je sais comment construire une mélodie accrocheuse, que ce soit instrumentale ou avec des paroles. Donc, je suis bon dans les dynamiques et c'est ça les publicités. C'est le but même d'une publicité. Si on vient au clip, il s'est rien passé de nouveau, mais il y a une caricature sur un chandail du gars qui est en train de chanter. Les filles qui se brassent les abdos. Puis, il joue avec une mascotte sur la plage. Puis, on se squirt de la crème solaire un petit peu partout. Ça ressemble à ça. C'est plus des paroles, la parodie, je trouve, que ce qui se passe à l'écran. Ensuite, les Rolling Stones ont écrit un jingle pour Rice Krispies, Steph. Ah, ouais! Avant de devenir célèbre, les Rolling Stones écrivaient et performaient des jingles accrocheurs pour Rice Krispies de Kellogg's au début des années 60. Brian Jones a co-écrit le jingle pour l'agence de publicité J. Walter Thompson et la publicité a seulement été diffusée au Royaume-Uni. On écoute ça. Wake up in the morning, there's a snap around the place. Wake up in the morning, there's a crackle in your face. Wake up in the morning, there's a pop that really says, my skills is for you, and you, and you. We're on the milk and listen to the sound that says it's nice. We're on the milk and listen to the crackle of that rice. Get up in the morning to the pop that says it's rice. Hear them talking crisp, Rice Krispies. Wow! La tune est super bonne, j'ai pas pris le temps de décrire parce que ça chantait trop pour le dire, mais ça se passe dans un quiz télévisé où les gens doivent choisir Snap, Crackle ou Pop. Donc les gens choisissent leur réponse, et finalement je pense que la réponse c'est les trois. La foule est en délire, et là on capote, ah! Puis là ben, ça crie des écouteurs tellement que le public crie fort. Rice Krispies! Ça, c'est une bonne chanson. Très, très bonne chanson. Les Rolling Stones, bravo. Et pour une céréale très, très fade, ils ont choisi un groupe très divertissant. Moi, on dit que c'est les céréales les plus fades. Mais t'as pas le choix. Je veux dire, si tu veux vendre quelque chose de fade, ça te prend quelque chose de coloré. Et voilà. Mais ça reste la meilleure céréale. Faire des carrés Rice Krispies. Ben oui. Ça le dit, Rice Krispies. Tu vois pas des carrés cornflakes, là. Hein? Tu peux-tu? Oui. Tu peux? Ben, tu peux. Oh, spécial ouais. Cas, sûrement. J'ai déjà vu une recette avec de carrés ben, Rice Krispies style avec des Froot Loops. Ah, miam! Ça doit être bon. Ben, soudainement, j'en veux. et finalement, Ween. Tu connais le groupe Ween? Non. Pas tant. Ils ont fait une publicité pour Pizza Hut. Je connais Ween, entre autres. Il me semble que c'est eux qui faisaient une chanson thème d'une émission de télé que j'écoutais dans le temps. Genre. Ça doit être une émission de saucisse. C'est drôle. Non, c'était Grounded for Life, parent à tout prix. Ween. Bref, donc Ween en 2002, Pizza Hut et l'agence publicitaire Ween & Kennedy ont demandé en fait à Ween d'écrire un jingle pour leur nouvelle pizza, la Insider. La compagnie de fast-food cherchait un groupe edgy, donc si on veut, rebelle pour leur campagne publicitaire, et W&K croyait que le groupe de rock indie basé en Pennsylvanie serait parfait pour eux. Pizza Hut ne croyait pas que les 6 chansons que Ween avait écrites fitaient avec leur culture de compagnie. Donc, ils ont rejeté les 6 chansons que Ween a fait. Ah ouais. Déçus par tout ça, Gene et Dean Ween ont écrit une version explicite nommée « Où est passé le fromage? Where the cheese go? » pour Pizza Hut en tant que dernier essai, mais celle-là aussi a été rejetée. Une version explicite, j'imagine. Donc, l'agence avait engagé Ween pour faire la musique. Ils ont livré. Donc ça, c'est ce qu'a dit Ween en 2003. Malheureusement, ils n'ont pas aimé une seule des 6 chansons qu'on leur a soumises. Ils nous faisaient réécrire les chansons à tous les jours pendant plusieurs semaines avant d'engager quelqu'un d'autre. À mon avis, c'est une des meilleures chansons qu'on a écrites de toute l'année. Depuis ce temps-là, c'est devenu une chanson culte pour le groupe Ween. Écoutons Where the Cheese Go tout de suite sur C'est Fou. C'est une très courte chanson. Où est passé le fromage? Par où? Where did cheese go? I don't know. Where did cheese go? I don't know. On voit des bonhommes Lego pour me faire un paquet d'affaires. I don't know. Avec des loupes en train de faire de l'excavation, si on veut. I don't know. De la recherche archéologique. I don't know. Where did cheese go? I don't know. Hey, je m'excuse, mais je la trouve plate en maudit, votre chanson. Where the cheese go? On a, non, je sais pas, je trippe pas, tu sais. Ça reste dans la tête, on sait que ça reste. Pas, mais... Oui, oui, tu sais, même mais que. C'est ça le but d'une chanson de publicité. Where the cheese go? I don't know. Where the cheese go? I don't know. En passant, j'ai fait mes recherches pendant la chanson et oui, c'est bien eux qui faisaient la chanson thème de Parents à tout prix que vous avez peut-être vu sur Vrac TV, Grounded for Life. Et je pense qu'on a les 15 secondes prévues dans le temps pour pouvoir l'écouter l'intro. T'sais. I don't know, on écoute ça, la chanson thème de Grounded for Life. J'ai toujours adoré cette chanson-là. Je la trouve vraiment très bonne. Ouais, parce que l'émission, c'est plate. Ouais, c'était pas... J'ai commencé au début, il y a quelques temps, puis j'ai comme fait, ouais, il me semble que... Je suis pas sûr que... Il me semble que c'était meilleur quand j'étais plus jeune. Il me semble non, que c'était non. Pas... C'était pas... Non. Bref, Ween! Voilà, et c'était la liste des chansons de jingle de publicité, mais faites par des artistes connus, Steph! Ben, pas toutes connues pour moi. Pas, non, mais en général, mettons, sur oui, l'échelle, oui. C'est pas mal tous des groupes connus. Mais quand il y en a des moins connus que d'autres. Je dirais que mention d'honneur pour Jack White. Ben, justement, écoutons Jack White et Lazaretto. Pourquoi pas? Assemblage requis. Juste pour toi, Steph. c'était Jack White et Lazaretto. Assemblage requis, que c'était donc bon ça. Au retour, là ça va être vrai. David Perron et les notes salées, ça s'en vient dans deux minutes. Et après ça, si on a du temps, d'autres affaires, mais surtout David Perron. Je dirais. Ça va être pas mal David principalement, Perron. Principalement. Majoritairement. Top, je sais pas. Il est top. Dans l'envie de fumer notch. Le top. Ah ouais. Hein? Non, top notch. Top notch, ok. Ah ouais. Fou d'exploration. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 96. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon retour, c'est toujours à Assemblage requis. On se l'a dit 15 décembre, Stéphanie Paradis là. Mathieu Plante, toujours. C'est vrai. Maintenant, on accueille enfin David Ferron, qui est là pour sa chronique Les Notes Salées. Et ça, ça demande un petit peu de, comment dire, Salé, attention à Noël, des fois la dinde. Mais Mia salé, goûte moins à mettre trop de sel dans sa sauce. Fais attention, dis d'en mettre moins. C'est mieux de le rajouter à la table. C'est facile d'en ajouter que d'en enlever. Oui! C'est vrai que c'est facile d'ajouter quand même. Salut David Ferron. Bonjour. Ça va? Ben oui, vous deux. Mieux, bien, ça va vraiment bien, oui. En fait, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, David, tu nous présentes une chronique avec une thématique ou pas? Je pense que tu as lâché ta thématique en cours de route. Hein? Ben, en fait, oui. Les autres semaines, j'avais une thématique. Comme la semaine passée, c'était les femmes country, mais progressistes. Et voilà, deux semaines, je me rappelle plus c'était quoi. Des fois, c'était des reprises que je présentais sous toutes ces coutures. Il y avait quand même un fil conducteur. Là, le seul fil conducteur, c'est coup de cœur. Parce que avant, hier, je me dis, je vais révolutionner la chronique de Toune de Noël. Je vais présenter des thématiques originaux par rapport à Noël ou par rapport à l'hiver ou par rapport au chevreuil. Okay. Ou je sais pas trop quoi. Chevreuil d'Inde, parce que c'est à mode de faire des clips bizarres avec des animaux. Oui, sinon des têtes de cheval, des fois c'est bien à la mode, c'est aussi juste porter une tête de mascotte de cheval apparemment. Il faudrait que tu joues What the Fox Says. Oui, non. Non. Ouais, mais non. Non, ni Chic Chic, la nouvelle toune virale. Pas la toune asiatique. Oui. Ça, c'est oui. Ça. Ah, bye bye. Mais non, bon. Ça, je laisse ça aux autres, moi. Et en fait, non, je vais vous présenter en fait des coups de cœur musicaux de cette année. 2014, oui. Cette année-ci. Là. Oui, en fait, c'est toutes des tunes qui sont sorties cette année, okay. Que j'ai fait jouer soit dans mon émission Palmarès du Monde, d'ailleurs, la rediffusion du top 10 des chansons annuelles Musique du Monde va être rediffusée ce soir à 18h. Hey, c'est-tu pas merveilleux ça sur les ondes de CFOU 89.1 FM, oui. La Radio Campus, c'est Trois-Rivières? Et oui, puis il y en a de tous les genres, folk, électro, rock, bref, des chansons... C'est quoi ce style-là, bref? Bref, ouais. C'est des tunes très courtes. Je vous donne exemple. La la. Oh wow. C'est le nouveau single de Mary Melon. C'était bref, c'était effectivement très bref. C'était court et c'était juste assez. Et oui, c'est ça. on comprend pourquoi ce style-là existe maintenant. Ouais, mais ce qu'on vous a pas dit, c'est que le la la la, il passe en boucle 300 fois. OK. C'est la petite pogne. Avec l'autotune. Oui. OK, super. Faudrait essayer ça. Oui. Le single de l'air. Ouais, la en 2015, la. Ça va être Lala. Oui. De Mary Melon. Non, en fait, ça s'appelle « Comment se déconstruire pour mieux se rebâtir après une relation dure ». OK, le titre est plus long que les paroles. Oui. Ah, c'est bien, j'aime ça, c'est un bon concept. Oui, et le Lala explique tout ça subtilement. C'est un Lala vraiment comme qui vient du cœur. Oui. Du sang. Je trouvais que ça venait plus de la gorge, moi. C'est vrai, aussi. Oui, parce que la gorge est nouée, les émotions sont là, et ils veulent sortir, mais non, ça marche pas. Sur la flotte, comme on l'appelle. Ouais. Oui, c'est le Lala le plus intense de toute l'histoire de la musique. Ouais. Donc, tes coups de cœur de l'année, je crois que t'en as 4. Ben, au moins 4, je veux. En fait, j'en présente 4, mais j'en ai plus. Oui, mais là, t'es un gars qui a pas de limite au nombre de choses que tu peux aimer, t'sais. Oui, en fait, j'ai tout simplement acheté le disque de Brigitte à bouche « Que veux-tu? » Puis t'en choisiras quatre. Non, je vais choisir les quatre qui ne sont pas sur l'album. Donc, je vais pas les faire jouer, malheureusement, parce qu'elles sont pas sur l'album. Okay. C'est mes préférés de Brigitte. pour ceux qui connaissent pas mon dégoût, pas mon indifférence, mon insouciance. Insouciance? Je sais pas. Moi, je me soucie pas pendant deux autres. Brigitte. Non, non, non. Ben, auditivement parlant, mais visuellement, c'est autre chose. Visuellement, sont très plaisantes, ouais. Okay. Brigitte, ouais. Donc, on fera une version visuelle de ma chronique un jour. Ah, peut-être. Ça, est-ce que c'est toi qui vas danser? Non. Non. Donc, tes coups de cœur, David? Oui, en fait, en fait, je l'ai présenté en ordre, en désordre de présentation. Donc, en désordre de présentation, oui. C'est bon de préciser. Okay. Oui, comme on le fait souvent quand on présente des tops. Donc, ce qu'on va faire jouer, c'est, je l'ai déjà fait jouer dans ma chronique, c'est Mounouch avec Ewi. C'est l'espèce de... D'ailleurs, c'est eux qui fournissent l'intro. Contra, leur chanson Contra sert d'intro pour ta chronique. Oui, c'est ça, c'était l'album qu'ils ont sorti l'année dernière, qui était l'album éponyme. Là, je vous présente l'album qu'ils ont sorti cette année, Tessa's Cave Music, Ewi. Et sérieux, je capote encore quand j'écoute cette chanson-là. Moi, qui n'ai pas un fan des musiques... des instruments à cuivre ou du saxophone. Tu sais, je suis pas un fan de saxophone. Ah bon? Non, j'haïs ça. Je trouve ça quétaine. C'est un peu Kenny G, mettons. C'est un petit peu quétaine. Exactement. Et je suis pas capable. Même mais dans là, du Peter, mettons. Wow! Ouais. Même... Ben, lui, oui. Puis d'ailleurs, c'est ça, on va peut-être entendre... C'est pas du saxophone, mais on va peut-être entendre une espèce d'instrument avant. Mais je sais pas si c'est un vrai ou pas, en tout cas. Je m'éloigne de mon sujet qui est Mounouch avec Ewi. Eux, ils réussissent à me faire aimer ça. Mm-hmm. Bravo. Cool. Et ensuite, en fait, avant, on va entendre Silva. C'est un chanteur portugais avec Janeiro. Et là, vraiment, ça ressemble à du Peter. C'est un peu comme si c'était appelé Sylvain mais qu'il avait manqué de place sur le certificat de naissance. Ou on peut l'appeler Pedro. Parce que ça ressemble à du Peter. Ah, d'accord. Ah, OK. Aussi, Pedro Sylvain. Non. Non? OK. Une autre tune que je veux faire jouer, mais que je sais pas pourquoi les circonstances font en sorte que je la joue jamais, c'est une chanson de Betty Bonifaci, celle qui a chanté pour Diddy Champion, qui est dans le groupe Beast. Et là, cet automne, elle sort un album éponyme qui rend hommage aux esclaves noirs. Et là, la tune s'appelle Grizzly Bear et c'est un verre d'oreille. Et il faut que Betty Bonifaci, on la joue plus. C'est quoi plus. Ça, une bière Betty Grizzly? Bonifaci, excusez-moi. Hein? C'est quoi ça, une bière grizzly? Grizzly beer. Non, c'est oui, l'ours. C'est bear. L'ours. Ours, ouais, bear. Ben, excusez-moi, j'ai mis ouais, trop non, de je i. Sais, moi, j'avais pas le choix de le corriger. Ça drôle, ouais. Mais je trouve ça drôle, c'est une bière grizzly. Moi, je oui. trouve que c'est super agressif en bouche. Oui, ça a un goût très prononcé. Ça doit être une bière brune, ça? Ça doit. Oui. Poilu. Oui. Il y a aussi la version plus froide, blanche. Non, ok. Je suis pas fonctionnel à ma tête. Je l'ai vraiment pas mal. C'est des blagues, David, t'es drôle. Excusez. Bip. La la. Excuse-moi, j'ai oublié de baisser ton. Ouais. Mais. Une autre fois, là? Oui, la la. C'est bon. Coudonc, Marie Melon va être riche. Avec les royalties qu'on va lui envoyer à cause de la diffusion de cette chanson-là. Oui, parce que c'est elle qui compose cette chanson-là. Elle a composé ça avec quel instrument? Avec son cerveau. Son cerveau, sa voix. Ouais. Ça vaut toutes des royalties. Mm-hmm. Prochaine annonce de Coca-Cola. Ça, puis Jack White, la même chose. Oui. Et une quatrième pièce. Oui, là, on va commencer avec Susanna. Mais Susanna, qu'on épelle, tenez-vous bien, Z-S-U-Z-S-A-N-N-A. Trop compliqué. Mais c'est facile à dire, c'est Susanna. Et là, c'est pas la chanson Fanny que j'ai fait jouer souvent, mais plutôt Vartam Jotod, parce que son album Banana Vagabond Songs, il était écœurant, c'est bon, folk, puis je l'écoute souvent, puis je fais comme, waouh, la vie est belle. Ah, bon. Il peut neiger des tonnes et des tonnes. Mathieu, Stéphanie ne peut ne pas être là un matin, mais la vie est belle pareil. Ah oui, si on met ça? Oui. Cool. Je te le dis. On sait quoi faire la prochaine fois. Ouais. Mets ça en bouche. Mets juste ça. Ça, puis Lala. Exactement. À la place des bumpers entre chaque tour. Ouais. Mais je dirais que Vartan Jotob, ça bat le Lala. Ça bat la Lala? Oui. Ça bat la Lala. Wow. Donc, on commence avec Silva. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça qu'on fait? Ben, ou on pourrait commencer par Eh oui de Moonwatch. Ok, on y va avec ça. Comme tu veux. Non, non, je on n'était pas supposé commencer par Susanna et finir avec Moonwatch. Oui, c'est vrai. Bien, on va y aller avec ce que David nous suggère là. C'est Moonwatch en premier, puis on se re-signe pendant la chanson. Okay, oui. Ça? Parce que nous autres, on reste en onde tout le long, puis il faut pas qu'on parle. T'sais. En studio, si on parle, ça c'est en onde. C'est ça. Exact. C'est pas vrai du tout. Moonwatch, Eh oui, tout de suite, 89 FM. Les notes salées! We'll be right back. chegou. Você fingiu que nem ligou. Walking, watching work his soul. I'm gonna kill this on me. Gyere ki, te gyöngy virág, mert feljött a holdvilágja. Majd kimegyek szoblakon, csak a lajbihim mongolómia. Utamjárom szüntelen, nehéz batyum cipelem, jaj. Emlékszem egy reggelen, elrepült a szerelem, jaj. Nyitva az ajtó, bejöhetsz, üres a pad, leülhetsz, jaj. Vetett az ágy, lefekhetsz, nyitva az ajtó, elmehetsz, jaj. La la la la la. C'est comme la la la la. Lélélé ou le. Je savais pas que c'était pied Marie-Melon. Feet Marie-Melon. En fait, Susanna, la chanteuse qu'on vient d'entendre, c'est une chanteuse franco-hongroise. Donc, Marie-Melon se fait piquer ses tunes par des chanteuses franco-hongroises. Eh bien, j'espère que les gens t'élèvent le 15 minutes quand on a parlé de Marie-Melon. Sinon, ils sont tous dans le champ. Ils comprennent rien. Ouais. Hein. Donc, Susanna, on a entendu aussi trois autres pièces. Oui, une pièce de Betty Bonifaci avec Grizzly Bear, précédé de Silva avec Janeiro et Mounouch avec Ewi. Ewi! Ewi! Ewi! Ewi! Ewi! Ewi! C'est pas du franglais! C'est passé à du français, à de l'anglais, puis à je pense c'est un légume. C'était de l'hongrois franco colombien. De l'ail, c'est un légume. L'ail? Ouais. C'est considéré comme un légume, l'ail? Ouais, je pensais que j'avais une question vraiment épaisse. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une plante. Ben oui, mais... Tu devrais la connaître, donc. Un céleri aussi, c'est une plante, ça reste un légume. Ouais. Ben, justement, c'est une défaite pour pas pour finir le débat. Ils se font passer pour d'autres. Ben, je sais que c'est un bulbe, okay. Mais ça doit être considéré comme un légume. Mm-hmm. On lui demandera. Ça pousse comme un bulbe, genre comme un oignon, c'est un bulbe. Ouais, c'est ça, parce que c'est ça, normalement, la tomate n'est pas considérée comme un légume parce que ça pousse pas comme un bulbe. Comme une bulbe. Hey, mais non, mais le céleri non plus, c'est pas un bulbe, ouais. C'est une tige. Mais la tomate, parce que c'est le fruit de la plante. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même. Hey, les enfants, je vous dirais qu'on doit terminer l'émission éventuellement. Oui. Allô, c'est parce qu'on parle de bulbe. Excuse-moi, c'est un sujet à respecter, mais quand même. Merci, David Ferron. Ben, ça m'a fait plaisir. C'est tout pour cette session-ci. Évidemment, c'est notre dernière semaine d'assemblage requis. Donc, on se retrouve en janvier, toi. Hein? Oui. C'est bon, ça? Oui. Passe donc... un beau congé hivernal. Ben, merci, vous deux aussi. Profitez-en. Merci. Je dirai salut à Marie Melon et tout le reste de la famille lors du réveillon. Ça va faire plaisir. Hey, ouais. Ça va te brasser là-dedans. Ça va être stressant ce soir-là. On va se lancer de la dinde. David Ferron et les notes salées. Nous, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui, Steph. Oh non! C'est vrai? Oh. Sniff, sniff. Nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Demain, l'émission, on sera mardi, en effet. C'est vrai, ça arrive qu'on est mardi. Et demain, on va voir Charles-Antoine Rioux et sa collègue du Club plein air UQTR. On a aussi sa plus simple expression. C'est demain. Restez sur nos ondes. À 11h, sera Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, un paquet d'émissions, ça n'arrêtera plus. Hein? Puis à 18h, c'est Palmarès du monde avec David Ferron, avec son top 5 de l'année. Top 10, pardon, de l'année. En termes de musique du monde. Dans quelques instants, c'est la finale de la saison de Génie en liberté avec les meilleurs moments de Génie en liberté. Ça va être cool, ça. Avec Samuel Girard. CIF.ca pour la promotion complète. TassonageRocky.com pour les notes de l'émission. Les balados diffusion. On se quitte sur une dernière pièce musicale, c'est-à-dire une pièce de The Pack 80, Cellophane. Et on se retrouve demain à 6h30. Bonne journée, Steph. Bonne journée, Mathieu. Bonne journée, vous, à la maison. Merci à David Ferron. Bye. Lala. Lala.